La pièce percée par Philibert Audebrand. Il y a une trentaine d'années, Paris s'occupait presque journellement d'un personnage bizarre. C'était un de ces hommes que nos voisins d'outre-mer rangent dans la catégorie des excentriques. Il a laissé un nom très populaire, mais que nous demanderons la permission de passer sous silence. Sorti d'une souche plébéienne, il avait été le rival d'Ouvrard, et comme le célèbre munitionnaire, il avait fait, sous la République et sous l'Empire, une fortune de nabab en mettant la main aux fournitures des armées. En 1815, 25 millions constituaient son avoir, ce qui était énorme pour le temps. Il imagina alors de se faire banquier honoraire, c'est-à-dire de faire gérer sa fortune par une escouade de commis. Quant à lui-même, il se proposait de vivre en satrape, au milieu des fêtes et de tous les caprices du luxe. La satiété arrive vite pour les riches. Un jour, le financier, blasé de bonheur, dut chercher à se distraire dans des raffinements dont on n'avait plus d'idée depuis la disparition des derniers fermiers généraux. Ainsi, comme Beaujon, il tomba une fois dans un village des environs de Paris, en y faisant pleuvoir l'argent à pleine main. Pour plaire à une actrice, il avait voulu lui envoyer de ce pays une pinte de lait qui eût coûté 1000 écus. Bien des gens se rappellent encore ce trait. On était au cœur du mois de janvier. La neige saupoudrait de blanc toute la campagne. Notre Crésus fit acheter 4 litres de pois verts, petits pois d'une prime rative, bien entendu. C'étaient ces pois verts qui, mangés par une belle vache noire de la vallée d'Auge, avaient rendu la pinte de lait. Une autre fois, il avait invité tout le corps diplomatique d'alors à venir manger des babas dans son hôtel, splendide comme un palais. À l'heure où les voitures amenaient les invités, notre homme apparut tout à coup sur le seuil de son salon en costume de paysan, avec une cravate de coton rayé autour du cou et de gros sabots de frêne dans les pieds. Il est vrai de dire qu'il y avait à la cravate une améthyste montée en épingle, grosse comme un œuf de pigeon, et 5 diamants, en guise de clous, sous chacun des 2 sabots. En historien véridique, nous devons ajouter que cet esprit fantasque obéissait par intervalles à de bons mouvements du cœur. En 1817, quelqu'un lui apprit qu'on venait de rencontrer au fond d'une rue obscure du faubourg Saint-Antoine un sien neveu, le fils de sa sœur, qui était plein de santé, quoiqu'il vécût fort mal. Le pauvre enfant, orphelin ou à peu près, était apprenti serrurier. Du matin au soir, il tirait un soufflet de forge ou poussait une lime sur un morceau d'acier. Le jour où il fut introduit auprès de son oncle, il était nu-bras et avait le visage noir de suie. « Qu'on le décrasse !» s'écria le banquier en tournant les talons. « Qu'on l'habille en mirliflore et qu'on me le jette sans retard sur les bancs du collège Charlemagne. Je me charge de son avenir. » L'enfant se nommait Lucien. Très actif, doué d'une vive intelligence, il apprit vite et bien. Au bout de 7 ans, il se présenta à son oncle sous la forme d'un grand et beau garçon, ayant à la main son diplôme de bachelier, le grand dada de ce temps-là. « Ce n'est pas assez que d'avoir gagné une feuille de parchemin, » lui dit le banquier. « Il faut songer à devenir quelque chose. Que veux-tu être ?»« Ce que vous voudrez, mon cher oncle, » répondit l'ancien apprenti serrurier. L'ex-munitionnaire se gratta le front du bout du petit doigt. « Eh bien, écoute un bon conseil. Puisque tu aimes les livres, fais-toi savant, étudie la chimie. Il y a de l'avenir là-dedans. Tu seras chimiste. Est-ce convenu ?» « Je serai chimiste, si cela peut vous faire plaisir, » dit Lucien. Dès le jour même, on l'installa dans une mansarde de la rue du Pan, point silencieux du pays latin, bien située à tous égards pour l'étude. Lucien se trouvait par là à proximité de l'école de médecine, de la Sorbonne et du Collège de France. Du reste, il se donnait peu de distractions. L'oncle ne recevait jamais le neveu. Seulement, il avait donné à l'un de ses caissiers l'ordre de faire remettre chaque mois au jeune homme une provende de 200 francs. Une certaine année, par extraordinaire, c'était, je crois, en 1826, le banquier se rappela son jeune parent. Comme il venait de faire l'acquisition de la forêt de Verrières, il éprouva la fantaisie d'y ouvrir la chasse avec quelques fracas. On lui avait justement appris qu'un pied de sanglier s'était montré çà et là dans les clairières. Un sanglier à Verrières, dans une forêt de salons, où il n'y avait jamais eu que des lièvres timides et des ramiers amoureux, c'était une originalité qui allait singulièrement à la pente de son esprit. Aussi voulut-il être de la fête. Ce devait être une belle journée. Il y avait convoqué un grand nombre de chasseurs en renom, des gens titrés et même un officier attaché à la vénerie du roi Charles X. La veille même, il songea aussi à l'étudiant. qu'on recommande à monsieur mon neveu de se tenir prêt pour cette Saint-Hubert, dit-il. Je ne suis pas fâché de voir quelle mine fera un chimiste en pleine chasse. Lucien n'avait garde de manquer à ce rendez-vous. Il se présenta donc équipé de pied en cap avec les guêtres, la casquette de cuir, le carnier, le fusil et la poire à poudre. « Regarde bien tirer, tous ces gens-là, lui dit son oncle, et fais ton profit de leur coup d'adresse. Je compte bien mettre moi-même la bête en joue, murmurait Lucien in petto. Il y avait 3 heures qu'on poursuivait le sanglier sans que personne eût pu l'atteindre. À la fin, un garde forestier le signala dans un fourré près d'une mare. Pour l'abattre, il faudrait un homme qui ait la main sûre, s'écria le garde. Or il n'y avait en ce moment de ce côté que l'étudiant de la rue du Pan. « Pouvez-vous répondre de votre coup, monsieur ?» lui demanda le garde. Lucien ne répondit pas, mais animé de l'audace des novices, il fixa la bête froidement avec une mâle assurance. 2 petits yeux vifs, pareils à des charbons ardents, le menaçaient déjà près de l'arbre où il avait pris position. L'étudiant arma son fusil. 1 minute de plus, et le sanglier se jetait sur lui, prêt à lui casser une jambe d'un coup de boutoir. Mais au moment où il quittait le fourré, Lucien lui lança dans l'oreille droite une balle qui l'étendit mort sur les marges bourbeuses de la mare. Aussitôt, les fanfares victorieuses retentirent dans le bois. On accourut de 20 sentiers à la fois, à pied et à cheval. Les aboiements des chiens se mêlaient au bruit du corps. C'était un véritable triomphe. « Comment se fait-il que ce soit précisément ce morveux-là qui a tué le monstre ?» se demandait le banquier. « Cher oncle, je n'y comprends rien moi-même, » répondit Lucien. « Figurez-vous que c'est le premier coup de fusil un peu sérieux que j'ai tiré de ma vie. » On ne l'entint pas moins pour le héros de la journée. Au signal donné par l'officier de la vénerie de Versailles, une formidable symphonie fut exécutée sur le champ en son honneur. Jamais les tendres échos de ces 12 forêts de Verrières n'avaient retenti de notes si puissantes. Pendant ce temps-là, le sanglier, encore tout couvert d'un épais sang noir, était jeté sur un lit de feuilles sèches. Les corps résonnant toujours, un maître piqueur, ayant tiré du fourreau un long couteau de chasse, le lui plongeait dans le ventre, et après l'avoir vidé, il ôtait les entrailles fumantes à la meute. Un autre homme apportait des herbes aromatiques dont on lui remplissait la panse. Les fanfares prenaient alors un ton plus léger. Enfin, on coupait les 2 pieds de devant de la bête, dont on faisait hommage à celui qui l'avait tué. On offrait aussi, par politesse, les 2 pieds de derrière à l'ancien fournisseur aux armées. « c'est bon !» s'écria le Crésus. Qu'on mette ce gaillard-là sur un brancard, nous allons faire un petit tour à table. » On improvisa en effet un équipage avec 2 jeunes balivaux coupés par le pied. 4 valets s'y attelèrent. Le sanglier y fut posé aux accords d'une 2e symphonie. On rallia ensuite les chiens, on déchargea les fusils dans la cime des arbres, et toute la bande se mit en route pour le château du millionnaire, situé à 2 lieues de là. Au souper qui suivit toute cette cérémonie, Lucien occupa nécessairement la place d'honneur vis-à-vis de son oncle. Le premier toast fut pour lui. Le premier coup de fourchette de chaque plat, pour lui aussi. Pour se conformer à l'usage, on lui servit la hure et de plus, un morceau fort honorable durable. « Heureux coquin !» lui disait son oncle à travers les verres à pâte et les bouteilles au long cou. « Voilà une fournée telle que la chimie n'en a jamais donnée à personne. » Lucien, à la vérité, ne s'était jamais trouvé à pareille fête. Aussi était-il presque frappé d'éblouissement. Il trouvait le moyen de parler à tout le monde et le temps de ne perdre ni un coup de dent ni une rasade. Cependant, lorsque le moment arriva de découper sur son assiette le morceau de rable en petites bouchées, il se tut tout à coup et s'arrêta court. Le couteau et la fourchette dont il se servait rencontraient en même temps une vive résistance. « Qu'y a-t-il donc ? » lui demanda un de ses voisins. Lucien répondit qu'il ne savait pas pourquoi son couteau s'ébréchait. Jusqu'à ce moment, la chair du sanglier avait été facile à sectionner. On pouvait même la croire tendre. Mon couteau est frais et moulu, reprit-il, ma fourchette solide, je ne conçois rien à ce qui arrive. Faites venir l'écuyer tranchant, répartit le voisin. À l'aide d'un petit tranchelard de châtellerault trempé comme un rasoir, ce valet sépara les chairs qui paraissaient vouloir demeurer compactes. Mais au moment où il retirait son ustensile, un objet qu'on n'avait pas encore vu tomba sur l'assiette de Lucien en rendant un son métallique. Qu'y a-t-il donc ? Demanda à son tour le banquier en voyant son neveu changer de visage. L'étudiant n'avait pu maîtriser sa surprise. Ce qui venait de tomber de la tranche durable affectionnait la forme d'une feuille de métal fauve très artistement arrondie. Il avait porté la main à cette étrange trouvaille, mais c'était en vain qu'il la tournait et la retournait en tous sens entre ses doigts. Une pareille découverte déconcertait toutes ses convictions scientifiques. Comment se faisait-il qu'un fragment de métal, grand au plus comme une pièce de 10 sous, se trouva dans le râble d'un sanglier tué en pleine forêt de Verrières ? « Mon cher monsieur, lui dit de sa place l'officier de la vénerie royale, il n'y a pas lieu de manifester tant d'étonnement. Ce que vous venez de rencontrer n'est rien autre chose qu'une balle aplatie qui a séjourné sous les soies de l'animal. » Voilà l'explication du prodige, s'écrièrent tous les convives en chœur. Voilà une explication qui n'explique rien, reprit Lucien. Savez-vous ce que je viens de trouver dans le râble de la bête ? Une pièce d'or, tout simplement. Une pièce d'or, objecta en riant le banquier qui se piquait parfois de bel esprit. Il voit de l'or partout, cet enfant. Allons, cher neveu, ce n'est pas une illusion de chimiste, mais bien une vision d'alchimiste. On se mit à rire à la ronde de ce mot en trinquant. Comment ne pas applaudir à la saillie de l'hôte ? Le blond chablis qu'on vidait en ce moment était le plus fin qu'on eût pu trouver dans les meilleures caves de France. « Riez tant qu'il vous plaira, messieurs !» poursuivit l'étudiant. « J'ai parlé d'une pièce d'or, je maintiens ce que j'ai avancé. » En parlant ainsi, il jetait sa trouvaille au fond d'un verre d'eau. « Est-ce que tu prends ma table pour ton laboratoire ?» dit le banquier, tout fier de son premier succès. Pour toute réponse, Lucien retira de l'eau l'objet trouvé, décrassé, poli, presque brillant. C'était effectivement une pièce d'or de petite dimension, ayant l'ampleur d'une pièce de 50 centimes. Ce qui redoublait la surprise de l'étudiant, c'était de voir que la pièce n'était pas une variété de monnaie française. Quelques caractères germaniques à demi effacés auraient annoncé son origine allemande, quand bien même on n'eût pas vu sur la face le lion traditionnel des Nassau, coiffé d'une couronne ducale et tenant une épée nue dans ses griffes. Un des convives, qui se donnait pour numismate, déclara que c'était un demi-florin d'or de 10 francs, frappé par un des petits princes d'au-delà du Rhin, le grand-duc de Hesse-Darmstadt probablement. Cette interprétation n'apprenait toujours pas comment la pièce d'or s'était logée en France entre la chair et le cuir d'un sanglier encore jeune. Le banquier rappela à ce sujet l'histoire de ce Polycrate, tyran de Samos, qui, ayant jeté son anneau dans la mer, le retrouva, quelques jours après, en dépeçant un poisson qu'on avait servi sur sa table. Mais l'analogie ne paraissait pas assez complète pour qu'on crût devoir s'y arrêter. Le mieux était d'avouer qu'on n'y comprenait rien. Une circonstance bizarre dont il n'a pas encore été parlé compliquait cet étrange épisode. La petite pièce d'or était percée de 2 trous imperceptibles, à la manière de ces sequins que les femmes du Tyrol et les jolies filles de Venise sèment dans leurs cheveux quand elles sont brunes. On sait qu'un vieux préjugé veut que toute pièce de monnaie ainsi trouée porte bonheur à celui qui la possède. Aussitôt que Lucien eut fait remarquer ce nouvel appendice de sa trouvaille, on commença à faire entendre les rires et les vivats. « Conservez précieusement ce florin, Lucien, disait-on de toutes parts. C'est tout à la fois une grosse dot et un talisman. Vous verrez que tout vous sourira à l'avenir dans la vie. » Moitié en riant, moitié en attachant une pensée sérieuse à son action, l'étudiant renferma le demi-florin d'or dans un petit porte-monnaie de maroquin rouge qu'il portait au fond de la poche de son habit. Il ne devait plus être question de la pièce percée, du moins pour ce jour-là. 2 mois s'étaient écoulés. On entrait en hiver. Lucien, toujours pauvre, ne quittait plus cette studieuse mansarde de la rue du Pan, où il demandait péniblement à la science ses âpres secrets. Mais ces secrets ressemblent à l'énigme du sphinx, qu'on ne devinait pas du premier coup. Un matin, au plus fort de ses études, on ouvrit sa porte. C'était un domestique en livrée qui apportait une lettre de son oncle. « Viens sans retard, lui écrivait le banquier. J'ai quelque chose d'important à te communiquer. » À 1 heure de là, l'étudiant se faisait introduire dans le cabinet du Crésus. « Écoute, cher neveu, lui dit l'ancien munitionnaire, voilà 10 ans que je te fais une pension de 200 francs. C'est une misère et qu'il est bien temps de supprimer. Cher oncle, vous êtes le maître de diriger vos bontés dans le sens qui vous convient le mieux. Attends donc, tu ne sais pas encore ce que je veux dire. Sans me déranger de mon fauteuil, je viens de gagner dans une affaire à peu près 500 000 francs. Mes enfants ont du pain sur la planche et assez d'argent dans leur coffre. Je ne leur ferai donc aucun tort en partageant ce lot en 2 et en t'en donnant la moitié. » En causant ainsi, le banquier prit sur son bureau un papier zébré de timbre. « Tiens, ajouta-t-il, voilà le titre qui te donne 12 000 livres de rente. » Lucien, ainsi que nous l'avons dit, n'avait jamais été traité en enfant gâté par la fortune. Jusqu'à ce jour même, l'homo zecchus s'était montré vis-à-vis de lui plus parcimonieux que paternel. Cet acte de munificence si extraordinaire le frappait au point qu'il ne pouvait trouver un mot de remerciement à répondre. « À propos, reprit le banquier, as-tu toujours ta pièce percée ?»« Toujours, cher oncle. » C'est que je craignais que tu ne l'eusses fondue dans tes diables de réchaud. Garde-toi bien, ajouta-t-il, de te laisser aller à pareille extrémité. Nous verrons si ce qu'on a annoncé à cet égard se réalise. Sur ces dernières paroles, il le congédia. On a compris que l'étudiant était vivement ému. Un titre de 250 000 francs, 12 000 livres de rente, cela formait deux colonnes d'Hercule qu'il n'avait jamais osé espérer d'atteindre, même en faisant beaucoup de chimie. Je dois pourtant cette bonne fortune à l'influence de ma pièce percée, dit-il, et il se mit à penser à la vie nouvelle qu'il aurait amenée. Il convint par lui de ne plus s'occuper de science qu'à ses moments perdus. Lucien avait 25 ans, c'était le bel âge pour expérimenter l'existence. 12 000 francs de revenus pour un étudiant habitué à ne dépenser que 200 francs par mois, c'était de l'opulence. Il pensa du reste qu'il serait toujours assez sage pour ne jamais entamer le capital. En tout cas, il lui resterait une double ressource, la bienveillance de son oncle et la magique vertu de la pièce d'or. Ces diverses considérations l'amenèrent peu à peu à dépouiller le vieil homme. Il fit peau neuve. Au bout de 24 heures, l'austère mansarde du Pays Latin fut délaissée pour un appartement de garçon de la chaussée d'Antin. Les cornues, les réchauds et tous les instruments scientifiques étaient mis au rebut. Dès le même jour, l'étudiant devint un papillon des boulevards élégants, habillé à la dernière mode, et armé d'un lorgnon qu'il manœuvrait avec une exquise insolence. On jouait beaucoup au temps dont nous parlons. Il était de bon genre de jeter l'or à pleine main sur les tapis verts. Ces batailles aléatoires se livraient non seulement à Frascati, mais encore dans les salons du meilleur ton. En sa qualité de neveu d'un parvenu, Lucien courait le beau monde. Ce n'était pas, il est vrai, sans être au préalable soumis à un contrôle impertinent. De temps en temps, en effet, les gentilshommes de fraîche date faisaient entendre un sourd murmure à la vue de cet élégant qui n'avait pas de couronne peinte sur la portière de sa voiture. Mais aussitôt qu'on prononçait le nom du banquier, l'amour aristocratique se changeait en sourire. Quand une voix avait dit « Mais c'est le neveu du financier !» On invitait Lucien, on le choyait, on l'appelait très cher, comme s'il fût né sous un dé armorié du temps de Pépin le Bref. Un soir du mois de janvier, dans un hôtel du Faubourg Saint-Honoré, où il avait ses coudées franches, la bouillotte allait d'un train d'enfer. Notre jeune homme prit la place d'un décavé. En moins de 10 minutes, il avait lui-même perdu 100 louis, dont 25 sur parole. Quoique son oncle lui fait savoir que sa caisse lui était ouverte dans les cas extrêmes, Lucien ne voulut pas poursuivre la lutte. Il allait sans doute battre en retraite lorsqu'il vint à se rappeler l'incident de la pièce d'or trouée. Les paroles prophétiques prononcées à cette occasion lui montèrent au cerveau. « Puisqu'on prétend qu'une telle pièce porte toujours bonheur, pensa-t-il, je dois tenter l'aventure. » Suivant les mœurs d'alors, le maître de la maison avait fait placer sur la cheminée du salon une sébille pleine d'or à l'usage des invités. Lucien y prit 5 louis et alla droit à la table de jeu. On demandait par hasard un remplaçant. Il s'assit, se fit donner des jetons, et après avoir posé sur le tapis le petit florin d'Allemagne percé de 2 trous, « Messieurs, dit-il aux joueurs, prenez garde à vous. Voici un talisman qui va me faire gagner tout ce que chacun de vous a devant soi. » On ne fit pas même mine de l'avoir entendu. Les cartes battues et données, Lucien s'engagea sans regarder ce qu'il avait dans la main. Il était alors tout surpris de voir que la chance revenait de son côté. On aurait dit qu'un sylphe invisible écrémait les atouts pour les placer entre ses doigts. Après 5 minutes écoulées, les sommes qui s'élevaient en tas devant ses adversaires venaient insensiblement, par les plus incroyables sinuosités, se posaient d'elles-mêmes devant notre héros. « Décidément, s'écria-t-il, ce petit florin de S vaut de la corde de pendu. » Non seulement Lucien avait réparé ses pertes, mais encore, il disposait d'un air triomphal son gain récent en tourelles d'argent et d'or, comme cela se fait à la bouillotte. Tant de bonheur offusqua un jeune Anglais, fils d'un lord, qui était venu en France étudier l'art de se ruiner correctement en 2 ou 3 soirées. « Monsieur, dit le jeune insulaire à Lucien, « si vous le voulez bien, à la première occasion, je vous fais mon tout, mais à une condition expresse. »« Voyons votre condition, monsieur. » »« Il s'agira tout simplement de comprendre de la somme gagnée cette pièce d'or percée qui est là à votre gauche. Acceptez-vous ? » ?»« Très volontiers, monsieur, » répondit l'étudiant. Peu d'instants après, il se présenta le coup que voici. Le jeu étant fait, le jeune Anglais parla le premier et d'un ton résolu. « Monsieur, dit-il au neveu du banquier, Je vous fais mon tout. Je tiens, répondit héroïquement Lucien, avant même d'avoir levé ses cartes. Brelan de roi, ajouta l'insulaire d'un air vainqueur. Brelan d'Ascaré, riposta le chimiste. La pièce d'or me reste. Tous les assistants étaient stupéfaits. D'un seul coup, Lucien avait gagné 1000 écus. Paris a beau se flatter d'être la ville la plus studieuse et la plus expérimentale de l'univers, il a toujours une très grande tendance à croire au merveilleux. On demeura bientôt convaincu de ce fait que le florin percé portait bonheur en toutes choses. Lucien, comme on le pense, admettait plus que personne ce préjugé si séduisant pour lui. Dans le courant du même hiver, une circonstance nouvelle le confirma dans ce qu'il pensait touchant la vertu cachée du petit florin d'Allemagne. Nous voulons parler d'un duel au pistolet qu'il eut au sortir d'un bal masqué. Les faiseurs d'anecdotes, nos honorables confrères, ont attribué au fait une origine qu'il n'avait jamais eue. Ceux-là ont mis l'aventure sous le comte de Martainville, ceux-ci l'ont prêté à notre ami le poète Méry. Dans l'un et dans l'autre cas, il y a une erreur qu'il importe de rectifier. L'épisode concerne Lucien et ne doit être cité à propos d'aucun autre. Sur un sujet frivole, pour le loup de velours noir d'une femme lorgnée de trop près, Lucien et un autre fou de son âge, s'étant pris de querelle, on convint de se battre le lendemain matin au pistolet. La rencontre avait lieu au bois de Vincennes, à 3 durées de cigares du fort, dans une clairière plantée de marronniers. Un homme profond sur des riens, l'adversaire visa juste et tira sans pitié. Une balle de plomb 2 fois grosse comme un noyau de cerise frappa Lucien en pleine poitrine, à gauche, au seuil du cœur. Mais heureusement, la petite pièce d'or percée, serrée dans un sachet de maroquin rouge, amortit le coup et arrêta le projectile. Voilà une chose qui ne me fut jamais arrivée il y a 1 an, lorsque j'étais trop pauvre pour garder une pièce d'or. Je serais maintenant un homme mort. Le mot circula. Il n'était que naïf, on s'arrangea pour le trouver piquant. Toujours l'effet du florin. En fréquentant le monde, le neveu du banquier avait vu un soir, dans une fête de famille, une jeune femme autour de laquelle chacun s'empressait. On la nommait Valentine de Mérange. C'était une très jolie personne qui, indépendamment de sa beauté, avait ce charme étrange d'être veuve à 22 ans. Dans des vues d'intérêt, on l'avait fait épouser de très bonne heure à je ne sais quelle marquise sexagénaire, émigrée qu'à Cochim, qui, en mourant après 18 mois de mariage, lui avait laissé son nom et une brillante fortune. Mais le veuvage, qui à cette époque plus encore que de notre temps, avait le privilège de plaire aux femmes, faisait que la belle enfant n'éprouvait en rien le désir de se donner un nnouveau maître. Lucien danse avec elle 2 ou 3 fois et en devint éperdument amoureux. « Elle sera ma femme avant 1 an, » dit-il à son oncle. « Comment ?» repartit le banquier. « Tu vas attendrir le cœur d'une veuve, mais c'est se briser la tête contre un roc. Je te préviens que tu ne réussiras pas. C'est ce que nous verrons, cher oncle. Ah, j'y suis. Pour venir à bout des obstacles, tu comptes sur ton talisman ordinaire, sur ta pièce percée. Vous l'avez dit. Pour le coup, ajouta le Crésus, la puissance mystérieuse de ton florin te dérange la cervelle. Mais ce sont tes affaires et non les miennes. Arrange-toi comme tu l'entendras. Le mois de mai qui suivit cette scène, Lucien, habillé d'une façon irréprochable, se rendit un dimanche à la petite église de Jouy-en-Josas, près de Versailles. N'allez pas croire qu'en faisant ce pèlerinage grave, notre jeune homme obéit à un excès de dévotion qui était de mise alors dans un certain monde. S'il venait s'adosser sur une chaise le long des piliers de la petite église rustique, c'était parce que Madame de Mérange, châtelaine des environs, quêtait ce jour-là pour les pauvres de la paroisse. Par une coïncidence assez remarquable, le vieux banquier, son voisin de campagne, devait l'accompagner et lui donner le bras pendant la cérémonie. À l'heure indiquée pour la quête, au moment où la jolie veuve, appuyée sur l'ancien munitionnaire et précédée du Suisse en grand costume, se présentait dans la nef, près des piliers, Lucien laissa tomber de ses gants blancs dans la bourse ouverte qu'elle tenait le demi-florin d'Allemagne. On aurait pu constater alors que Valentine tressaillit comme si elle eût été sous le coup d'une commotion électrique. Dans la sacristie, on tira de la bourse et l'on compta sou à sou la dîme de la charité. Par galanterie, bien plus que par pitié, le banquier ajoutait un billet de 1000 francs à l'airain des villageois. De son côté, la jolie quêteuse, mue par un sentiment qu'on pourrait prendre pour le désir de donner aussi une offrande aux pauvres, demanda à acheter le demi-florin d'or 2 fois sa valeur. « Combien cela vaut-il » demanda-t-elle au banquier. « 10 francs à peu près, belle dame. » Elle prit un louis dans son aumônière et l'échangea contre la pièce percée. Quand on la revit, à quelque temps de là, au bouffe, elle montrait le florin d'or attaché par un chaînon à toutes les fantaisies qui formaient la breloque de sa montre. « Te voilà bien avancé, » disait en même temps à son neveu l'ancien munitionnaire d'un ton de léger persiflage. « Tu n'auras pas la femme et tu as abandonné le talisman. » Lucien était piqué au jeu. Il répondit à son oncle qu'il ne serait pas dupe de sa bonne action. Dès le jour même, il écrivait à Valentine la lettre que voici. « Madame, quand j'ai été assez heureux pour me trouver à l'église de Jouy le jour où vous y faisiez la quête, le hasard voulait que j'eusse oublié mon porte-monnaie. Il m'a fallu alors recourir à un expédient extrême, celui de jeter dans votre bourse un demi-florin d'Allemagne, une petite pièce d'or trouée, insignifiante pour les autres, mais qui est pour moi d'un prix inestimable. Ce trésor que vous avez conservé, je le revendique, mais je comprends très bien que je vous doive une compensation. Aussi suis-je tout prêt à souscrire à tout ce qu'il vous plaira de demander en échange. » Sur cette épître si inattendue, la petite veuve fit répondre que les choses étaient bien embrouillées. Elle avait elle-même acheté le demi-florin et elle y tenait. « Depuis qu'il est en ma possession, ajouta-t-elle, tout me sourit, tout m'arrive à souhait. Mon parc est longé par un pli de la Bièvre. C'était un mauvais ruisseau, toujours bourbeux. Il a pris tout à coup l'aspect d'une rivière. J'avais un rosier du Bengale de 20 pieds. Il était flétri, presque mort. Il a reverdi et refleuri comme par enchantement. Mes rossignols sont devenus plus nombreux. Vous voyez bien que je ne puis me dessaisir de la pièce percée. » Lucien envoya un ami commun afin de concilier l'affaire. On congédia l'ami par un refus poli, mais par un refus. Lucien députa un homme d'affaires qui menaça d'un procès. On le pria de venir lui-même. Lucien se présenta donc. Il fut pressant, éloquent, persuasif. Il plut, et il fut convenu qu'on finirait tout cela comme un vaudeville par un mariage. « Mon cher oncle, » dit l'ancien étudiant banquier, « ce que j'avais dit était bien dit. J'épouse Madame de Mérange, et cela grâce à la pièce d'or. » « J'ajoute 200 000 francs à ta dot, » répondit l'ex-munitionnaire. Ainsi s'achève la pièce percée par Philibert Audebrand.